Bienvenue dans la 72e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. C'est la Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 72e épisode. Déjà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, aussi bien sur les radios que sur la page Facebook de l'émission. Encore 7 semaine, je trouve que c'est énorme. Merci à vous, merci pour votre fidélité et j'espère que cette émission va durer encore un certain nombre d'années. On commencera cette émission avec Pussy Time de Nashville Pussy. C'est sur l'album Get Some, sorti le 20 septembre 2005. On retrouve Common Common, Lazy White Boy et Hate and Whiskey. Et je le dédicace à un vieux loup de mer du côté de Paimpol, Jean-Pierre, qui est un fervent admirateur de l'émission et qui le dit ouvertement. Merci mon gars. On poursuivra avec Smell Like Teen Spirit en cassette de Nirvana. C'est sur l'album Nevermind, leur deuxième album sorti le 24 septembre 1991. On retrouve In Bloom, Come As You Are, Lithium, enfin bref, que des tubes, l'album de la révélation. On continuera ensuite avec Rouge, Jaune, Vert de Yannis Audois. C'est sur l'album Moment Idéal, sorti le 8 avril 2013. On retrouve Rabat-Joie, Laissez Rouler et Mes Principes, un excellent album. On poursuivra avec un autre son cassette et une nouveauté même, Radical Quepon de Social Dictat. C'est le premier single d'un album qui va sortir. Des nouvelles très vite, d'autres extraits dans d'autres émissions. Allez faire un tour sur la page Facebook de Social Dictat. Ils ont aussi un bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et on finira ce bloc en live avec Kill With Power de Manowar. C'est sur l'album Hail to England, leur troisième album, sorti en juillet 1984. On retrouve Blood of My Enemies, Black Armor et Bridge of Death. Un album qui vieillit plutôt bien. Yeah!

with power. Kill with power. Vous êtes toujours dans la 72e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Pussy Time de Nashville Pussy, Smell Like Teen Spirit en cassette de Nirvana, Rose Jaune Vert de Yannis Odoi, Radical Cupon en cassette et une nouveauté de Social Dictat, et Kill With Power en live de Manowar. On poursuivra avec All That She Wanted de Ghost of the Robot, c'est sur l'album Bourgeois Faux Pas, sorti en 2015, on retrouve Hello, Mother of Peril et The Wait. Un album sympa, mais le premier était quand même plutôt mieux, c'était une tuerie même, Matt Bryant. On poursuivra ensuite avec une nouveauté, Révolte de Regard Oblique, c'est sur l'album 2, leur deuxième album qui vient de sortir la fin d'année 2016, début 2017. Je viens de le recevoir dans ma boîte aux lettres, des nouvelles très vite, je sais qu'en dessus il y a Planète des Dingues, Amcor et Elle s'en moque, un excellent album. Allez faire un tour sur la page Facebook de Regard Oblique. Ils ont aussi un Bandcamp, groupe, allez-y, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On poursuivra avec In The City en cassette de The Jam. C'était aussi titre de cet album, sorti le 20 mai 1977. On retrouve Art School, I've Changed My Address et Taking My Love, un classique. On poursuivra avec The Cause de NoFX. C'est sur l'album Punk In The Blick, sorti le 19 juillet 1994. On retrouve Linoleum, Dig et The Breuse. Un album qui vieillit bien. Et on finira ce bloc en live avec L'Opportuniste de Jacques Dutronc. C'est sur l'album Casino 93, enregistré en décembre 92. On retrouve La Fille du Père Noël, Les Cactus, L'Hymne à l'Amour, Moi le Nœud. C'était sa dernière apparition en public avant la tournée de Vieille Canaille qui a fait un carton. She wanted, all that she wanted, all that she wanted was you. And all that she wanted, all that she wanted, all that she wanted was you. All that she wanted, all that she wanted. You. abus de confiance, envie du trêve, brisez vos chaînes, n'ayant plus peur, rêvons qui crèvent. Une seule chose, les guettes, une balle dans la tête. Just doing it for the cause. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. De toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste, mais toujours du bon côté. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Vous êtes toujours dans la 72e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. All That She Wanted de Ghost of the Robot. Je rappelle que le chanteur c'est quand même Spike, hein, le chanteur. Spike le vrai, hein, Buffy contre les vampires. On va continuer ensuite avec Revolt, une nouveauté de Regard Oblique. In the City en cassette de The Jam. Ensuite on va écouter The Cause de NoFX que je dédicace à mon copain Benoît qui se reconnaîtra. Et on a fini en live avec L'Opportuniste de Jacques Dutronc. On poursuivra cette émission avec une petite rareté, Acquiesce de Oasis. C'est sur l'album What's the Story, Morning Glory, leur deuxième album, sorti le 2 août 95. On retrouvait Hello, Wonderwall et Champagne Supernova. On écoutera ensuite Pachanka en cassette de Mano Negra. C'est sur l'album Putas Fever, leur deuxième album, sorti le 1er septembre 1989. On retrouve King Kong 5, Malavida, Pas assez de toi et plein d'autres. Un max de tubes, l'album qui a fait décoller la carrière de la Mano Negra. On poursuivra avec un petit morceau, ça c'est une petite dédicace pour la maison. J'ai pas mal de chats à la maison et parfois ils sont un peu fous. Donc on écoutera Crazy Cap de Halloween, c'est sur l'album Caméléon, leur cinquième album sorti le 31 mai 1993. On peut entendre First Time, When the Sinner et Revolution Now, un album qui voit bien le temps passer. On poursuivra avec Love Come and Goes de The Abyssinian, c'est sur l'album Oldies sorti en 1983. On retrouve Jason White, Reason Time et Clashy Sweep. Oh, c'est dommage qu'on les connaît pas très très bien ces Abyssinians. On va les faire connaître mieux que ça. Et on finira ce bloc en live avec un classique Money for Nothing de Dire Straits. C'est sur l'album Brother in Arms, leur cinquième album sorti le 1er mai 85. On retrouve So Far Away, Walk of Life et One Word. Et j'ai une petite nouveauté, j'ai une petite info. Je l'ai retrouvé en cassette. Donc Money for Nothing et tout du Dire Straits, il y en aura en cassette bientôt. We'll be right back. asking too far. Learn how to play on that. Jusqu'à la dernière note, le Dire Straits. Alors, on vient de s'écouter Acquiesce de Oasis, Panchaka en cassette de Mano Negra, Crazy Cat de Halloween que je dédicace à toute la famille de Miron von Strasse d'Orziac. On a écouté ensuite Love Come and Gus de The Abyssinian. Et on a fini ce bloc en live avec Money for Nothing de Dire Straits. On poursuivra cette émission avec I Want It All de Queen en cassette. C'est sur l'album de Miracle, leur 14e album sorti en 1989. On retrouve The Party, The Invisible Man, Breakthrough, entre beaucoup d'autres. Un grand classique du rock progressif. Tout à l'heure, on a eu du Tron. Et là, il y a une autre vieille canaille. D'ailleurs, c'est Vieille Canaille de Serge Gainsbourg. C'est sur l'album Aux Armes, etc. Son 13e album sorti en 1960. On retrouve Aux Armes, etc., Lola Rastaquer et Brigade des Stupes, un album excellent devenu culte. On continuera avec une nouveauté, J'aurais voulu, de Beta Bloqué. C'est le premier single d'un album à venir. Des nouvelles très vite, je l'attends avec impatience. On poursuivra avec allez, du son culte Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival. C'est sur l'album Cosmos Factory, leur 5e album sorti le 25 juillet 1970. On retrouve Rumble Tumble, My Baby Left Me et World Stop the Rain, du son culte. Et on finira ce bloc avec une nouveauté et en live. On nous gave de notre époque, c'est sur l'album Lune de Pirates sorti en décembre 2016. On retrouve Play With Me, Dominatrice, Souffre-Tumeur. Allez sur la page Facebook et sur la page Bandcamp de notre époque. Un petit like au passage, ça ferait toujours plaisir. Et je filerai tous les liens dans la page de l'émission. Street. serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre, je saurais bien te descendre. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille. Tu avais toujours ton couvert, vieille canaille. Tu as brûlé tous les tapis, tu t'es couché dans mon lit. Tu as bu tout mon porto, vieux chameau. Puis, je te présentais ma femme, vieille canaille. Puis, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu as fait du baratin. Dans les coins, dès que j'avais tourné le dos, vieux chameau. Puis t'es parti avec elle, vieille canaille. T'es parti avec elle, vieille canaille. En emportant la vaisselle, dessus du lit en dentelle, argent doré et un rideau, vieux chameau. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Et j'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. Moi, j'irai faire la bombe, vieille canaille. Un coup de petit verre d'eau de vie. Et la plus belle cuite de ma vie sera pour tes funérailles, vieille canaille. D'un texte bon à publier, un truc qui ferait rire ou pleurer, qui donnerait matière à rêver. Mais je trouve pas les mots qu'il faut, l'idée qui m'aide à décoller. Rien dire ou combien même en dur, j'avoue qu'aujourd'hui rien ne m'inspire. J'aurais voulu un truc qui ferait rire ou pleurer, qui donnerait matière à rêver. J'aurais voulu un truc qui ferait rire ou pleurer, qui donnerait matière à rêver. J'aurais voulu. Pourtant à moitié déprimé, en y regardant d'un peu plus près, qu'il soit tordu ou syncopé, les mots sont toujours mieux marqués. En un sens, même sans message, je peux tout de même les faire danser, les faire valser, les faire swinger, leur donner matière à jouer. J'aurais voulu un truc qui ferait rire ou pleurer, qui donnerait matière à rêver. J'aurais voulu un truc qui ferait rire ou pleurer, qui donnerait matière à rêver. Soit aussi bon qu'il le fut, comme un ticket pour la légende. En somme, créer un mythe, sortir un hit,

Ah, il est puissant le son des notes époque. Vous êtes toujours dans la 72e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. I Want It All en cassette de Queen, ça fait du bien hein. Vieille Canaille de Serge Gainsbourg. J'aurais voulu une nouveauté des Bêta Bloqués. Un petit coucou à Thierry des Bêta Bloqués. On a continué avec Up Around the Bound de Creedence Clearwater Revival. Et on a fini en live avec On Nous Gave. C'est une nouveauté et c'est du live de notre époque. On continuera cette émission avec Weary Eyes, le nouveau stick figure. C'est sur l'album Set in Stone 2015. Bon, c'est pas très tout à fait récent, mais je viens de le trouver il y a pas longtemps cet album. On retrouve Fire on the Horizon, Sound of the Sea et The Smoking Love. Allez faire un tour sur la page Facebook de Stick Figure. Je filerai les liens au passage sur la page Facebook et pareil pour eux, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On poursuivra avec Infectious Groove et le morceau Infectious Groove. C'est sur l'album Circapius Arc, sorti le 2 février 1993. On retrouve Turtle Wax, Don't Stop Play the Jam et Pick Me Up. J'adore cet album. On poursuivra avec No Cocaine de Alborosi. C'est sur l'album Escape from Babylon, sorti le 15 juin 2009. On retrouve Mama She Don't Like You, Real Story et One Sound. J'adore aussi cet album. On poursuivra avec un petit métal symphonique là. Wanderlust de Nightwish. C'est sur l'album Wishmaster, sorti le 3. C'est leur troisième album, sorti le 8 mai 2000. On retrouve She's My Sin, Come Cover Me, Crownless, un super album et c'est avec eux que j'ai découvert le metal symphonique dans les années 2000. Et on finira ce bloc en live avec du très bon ska, Guapa de Los Tres Puntos, c'est sur l'album Live 2007. On retrouve Aficionados, Terre de Liberté et les manceaux du social, du pur son ska punk. Yes.

check Randy Gun. Poupa pass shoulda the any on a robo ranks man. Little officer Poupa general go in a great stand. Poupa look some tune tune down in a great stand. Poupa buck up on the girl named Brigitte Shelly-Ann. Shelly-Ann tell her side that she piss on the land. She love Poupa pats and full of charm and passion. Poupa try feel on the baseline on the version. One little cracky boy come track some cracked man slang. He want to sell Poupa some coke and Lexican. Poupa lick him jabone and kick him out of England. Poupa general arrested so a straight down Japan. No coke and no coke and no coke in my brain. No coke and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on a real I'm no coke and no coke and no coke in my brain. No coke and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. I'm on a real farmer. Well, Poupa Congo Angel, Ragamuffin article. Poupa work with motherland, Poupa no touch chemical. Poupa no move sideway, Poupa can go vertical. Poupa step on the flat, Poupa told gangster. Poupa never take coke, Poupa never take pills. Poupa never smoke plastic since it's straight from the hills. Poupa no like Coca-Cola, me no top but Angola. From St. Elizabeth to Pola, I'm the best ganja boy. No coke and no coke and no coke in my brain. No coke and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. No coke and no coke and no coke in my brain. No coke and no heroin can go in my vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. Can a shop, me na go in a coca bar. Me na go par with Tim Montana, need a Pablo Escobar. Me na go sniff out the rack, me na go swallow the back. Me na no business with Colombians, but me love Bogota. Me na go mingle with no cokehead, me na go out with white snow. Me na go in a white house, remember Poupa says so. Poupa no black, Poupa no white, Poupa no yellow, yellow. Poupa rough, Poupa tough, Poupa no mellow, mellow. No coke and no coke and no coke in my brain. No coca and no ever in can go in a vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. No coke and no coke and no coke in my brain. No coca and no ever in can go in a vein. Cause I love marijuana. Come on a real ganja farmer. Los Tres Puntos jusqu'à la fin, j'adore ce groupe. On vient de s'écouter Weary Eyes, le nouveau Stick Figure, Infectious Groove de Infectious Groove, No Cocaine d'Alborosi, Wanderlust de Nightwish, et on a fini ce bloc en live avec la Guapa de Los Tres Puntos. Cette 72e Vampire Trix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre l'émission. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Trix, l'émission radio. J'ai un petit clin d'œil à faire. Pour terminer, comme c'est fini, la prochaine, ce sera à suivre. Et la prochaine chanson, justement, c'est à suivre de Zebda. C'est sur l'album Comme des Cherokees, leur 6e album sorti le 25 août 2014. On retrouve l'envie, les petits pas et c'est album découvert dernièrement et je tiens absolument à le faire connaître, mais comme dirait l'autre, hein, vieux motard que jamais. Salut à la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu! Message et dédicace, page Facebook de l'émission. Coton. Est-ce que United Colors y est sans Benetton? Est-ce que les ouvriers sont d'office, associés à tous les bénéfices? Est-ce qu'on y fait le plan du grand soir? Ou bien est-ce qu'il n'y a plus qu'à s'asseoir? Si on y a tout le nécessaire, est-ce qu'on y fait des cadeaux pour les anniversaires? Assine, assine, assine, assine, assine. Autour d'un macrout ou d'un thé, le camp des vœux pieux comme celui des promesses athées. Reconnaître sans qu'on leur force la main que leur théorie n'a rien d'humain. Est-ce qu'on y garde aussi les yeux secs? Si c'est le cas, que deviennent les hommes secs? Assure, assure, assure. Je suis pas pressé de le savoir. Assure, assure. Pas convaincu de la vouloir. La fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Petite précision, post-scriptum 6 juin. Est-ce qu'on y retrouvera son conjoint? Est-ce qu'il faut y arriver clean, mon adjudant? Est-ce qu'on peut éviter la gingra, les boutons et tous ceux qui ont fermé les bras? Y a-t-il moyen de tout effacer, de dire faisons table rase du passé? Assure, assure, assure. Je suis pas pressé de le savoir. Assure, assure, assure. Pas convaincu de la vouloir. Pensons si tout y est idéal et magique. Qu'est-ce qu'on y fabrique? Qu'est-ce qu'on y fabrique?